L'école secondaire pour orphelins de Pyongyang est inaugurée le 18 en présence de Choi Tae-bo, des cadres intéressés, des officiels, personnels enseignants et administratifs et élèves de l'école, des fonctionnaires des organismes du parti, du pouvoir et des établissements intéressés de la ville, ainsi que des travailleurs et des bâtisseurs. Kim Soo-gil, membre suppléant du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée et président du comité du parti pour la ville de Pyongyang, a dit dans son discours que l'école secondaire pour orphelins de Pyongyang est surgie comme berceau de l'étude et du bonheur des orphelins grâce à l'affection du respecté maréchal Kim Jong-un qui accorde tous les bonheurs du monde à nos enfants, maîtres de l'avenir de la Corée socialiste, sans égard aux dépenses. Il a invité à former les orphelins comme pilier de la Corée puissante, dotés des connaissances, de la morale et de la robustesse physique, et à entretenir tous les jours avec un sens de responsabilité l'école construite au niveau d'exemplaires et de standards de l'environnement de l'enseignement secondaire. Après le service inaugural, les participants ont parcouru divers endroits de l'école.